Ça fait des années que je stream, que j'abîme ma voix sur la scène. Je ne sème que des mots connus par cœur. Les mots venus de mon cœur me font vivre comme un loup solitaire, toujours mis sur mes arrières. J'ai beau défendre mon art, y'a jamais un renard qui passe pour assurer ma carrière, pour me sortir de la galère. C'est la vie, c'est la peur qui fait battre mon cœur et qui fait vivre mon art, quitte à y perdre mon honneur. Gravé, gravé dans mon cœur, jamais je n'arrêterai de monter sur scène. Ma voix sans la peur, toujours j'irai au-delà de mes peines. Caché au fond de mon cœur, j'ai peur de retomber de tout en haut. Quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, le rêve est là dans mes pensées, dans ma folie. Je lis l'avenir en mégalo. J'ai commencé loin de Paris, loin des grandes villes. J'ai pris la route pendant des mois à la recherche des contrats. Je te jure sur l'honneur, j'écrirai tout ce que j'ai dans le cœur. J'aurais pas peur d'être un auteur aux mots qui dérangent l'opinion. C'est la vie, c'est la peur qui fait battre mon cœur et qui fait vivre mon art, quitte à y perdre mon honneur. Gravé, gravé dans mon cœur. Quitte à crever, quitte à tout perdre, ma vie, mon temps, mon amour, mon sang, mon argent, la tête ailleurs. J'irai au-delà de mes peurs, en amateur, j'irai me battre dans l'arène, là où les fils de rois y règnent comme des vainqueurs. Ils n'ont jamais vécu quoi que ce soit, pas de misère, pas de galère. Pour eux, tout est servi sur un plateau, ne mes papas. Et là, je ris quand je les entends qu'ils disent qu'ils ont trimé. Ils n'ont rien vu de notre quartier, ils n'ont pas joué dans les cafés. Gravé, gravé dans mon cœur, jamais je n'arrêterai de monter sur scène. Ma voix